France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Paul Léoto, il trouvait qu'il avait rajeuni prodigieusement avec les années. Il tenait des propos extravagants sur les femmes, sur les écrivains, sur ses contemporains. Il jugeait le sentiment, entendre par là être sentimental, comme la dernière des âneries. Embellir la vie pour faire de la littérature, quelle horreur! De toute façon, il n'avait lu aucun des romans publiés depuis la fin de la guerre. Ce qui n'empêchait pas, bien sûr, son jugement sur les auteurs. Tout ce qu'aime Léoto, la littérature, les animaux, tout ce qui agace, ce qui assomme, ce qui insupporte Léoto, se trouve dans les entretiens qu'il avait accordés à Robert Mallet au début des années 50 et que vous pouvez réentendre dans les nuits de France Culture. Voici l'avant-dernier rendez-vous. La radiodiffusion française présente... Entretien avec Paul Léoto. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Venons-en à vos idées sur le style. Ce style qui était en vous une sorte de don. Oui, mais vous savez que... Enfin, il m'a coûté beaucoup de réflexion. J'ai beaucoup réfléchi, n'est-ce pas? Moi seul, comme ça, j'ai découvert les défauts du style chez les autres, et à ne pas imiter. J'ai découvert le mérite de la concision, le mérite de la spontanéité, le mérite de jamais travailler, n'est-ce pas? De laisser les choses... Enfin, vous avez travaillé et apprendre comment il ne fallait pas travailler. Absolument. Voilà. Alors, voulez-vous nous expliquer, servant de votre papier pour éviter les mots un peu vifs, ce que vous pensez du style? L'unique style qui compte pour moi, que je mets au plus haut point, c'est le style de la conversation. Écrire comme on écrit une lettre. En courant, sans y revenir, ou comme on tient une conversation. La conversation, naturellement, de gens qui ont quelque chose dans la tête. Trois fois le même mot dans une phrase ne me gêne nullement. C'est devenu ainsi. J'ai horreur du travail. Alors, permettez-moi de vous interrompre ici sur l'idée de répétition. Vous venez de dire que répéter des mots ne vous gênait en aucune façon. Mais le lecteur, lui, est quelquefois gêné par ces répétitions. Et il se trouve que, dans vos textes, j'en ai relevé quelques-unes de ces répétitions que je veux vous soumettre en vous demandant si, franchement, vous les approuvez encore. En voici quelques-unes, si vous permettez. On a l'habitude de s'exclamer... Non, excusez-moi. Elle a l'habitude de s'exclamer en s'adressant, en riant à son partenaire. En s'adressant, en riant à son partenaire. Ah, cela me choque. Ça, c'est pas une répétition, ça. C'est une répétition. Si, c'est une répétition. Ouais. Ce sont deux participes successifs avec la préposition. Oui, je pense bien d'ailleurs que vous allez me dire, puisque vous avez laissé toutes ces répétitions, vous allez me dire qu'elles vous laissent fort indifférent. Ouais, mais moi, elles ne me laissent pas indifférent. C'est pourquoi je voulais. Oui, vous êtes un touriste. Mais vous aussi? Moi, pas du tout. Mais si. Non. La preuve, c'est que tout le temps, quand j'emploie un mot qui vous paraît peu conforme au canon de votre dogme de style, vous me le faites remarquer. Vous employez des mots à la mode d'aujourd'hui. Évidemment, j'emploie les mots à la mode du temps présent. Oui. Comme vous, en 1900, vous employez des mots je pense, nouveaux. Quand je pense qu'hier, vous avez approuvé le mot obsessionnel, n'est-ce pas? C'est un monde. Oui. Mais excusez-moi, là, nous ne parlons pas du mot obsessionnel. En ce moment, je suis... dans une autre obsession, je suis dans celle de vos répétitions. Et alors, voici ce que je relève. Je vis bien qu'elle ne s'était pas trompée et qu'elle remplaçait bien Mademoiselle Leroux. Elle l'a remplacée même si bien. Oui, ça ne vous fait rien, mais moi, ça me fait quelque chose. Voici encore un autre exemple de ces répétitions. L'empereur le reconnaît. Toi, tu étais à Wagram. Ce que reconnaît le vieux soldat. Bien, je suis persuadé que si vous vous en étiez aperçu de cette répétition du verbe reconnaître, vous auriez changé l'un des deux verbes. Non, c'est venu comme ça. Non, je crois que, vraiment, enfin, si vous l'aviez si vous aviez eu conscience, c'est parce que c'était tellement naturel que, qu'ensuite vous ne l'avez pas corrigé, parce que vous n'avez pas vu qu'il y avait motif à correction. Mais si vous en étiez aperçu, non, vous l'avez corrigé. Non, c'est venu comme ça. Je vous dis, je ne change rien. Et voici, pour terminer, un autre exemple. C'est tout ensemble une œuvre intéressante, curieuse, extrêmement bien conduite, également extrêmement bien écrite. Ces deux adverbes, également extrêmement, me gênent beaucoup. Ah oui. Ah oui, ça me gêne. Je vous trouve un puriste, et alors par moments, je ne trouve plus que ce soit du naturel. Ouais. Je trouve vraiment que c'est de la négligence. Ouais. Je m'excuse de vous le dire comme cela, ça n'a pas... Eh bien, moi, je trouve que ces deux adverbes joints font admirablement. Alors, vous leur trouvez donc une musicalité, vous qui êtes l'ennemi de ça la musique. Ça m'est égal. Donc, vous n'êtes pas plus sensible à la musique qu'ils ont, alors. Non. Donc, c'est parce que vous ne vous en êtes pas aperçu que vous les avez... Je ne fais pas attention à ça. Oui. Et puis, où ai-je écrit ça? Vous avez écrit ça à propos d'une pièce de M. Lenormand, « Le temps est un songe », en janvier 1920. Oui. Ah, mais je vous cite exactement, je ne vous ai pas contrefait. Mais tout ça m'est indifférent. Oui. Ah, mais je sais très bien que ça vous est indifférent, seulement je vous le dis pour vous faire préciser justement ce point de vue, qui, de même que vous dites, il y a en réalité très peu de Baudelaire, tout à fait très peu. Ce tout à fait très peu, je dois dire, m'a laissé alors très songeur. Vous l'avez écrit dans votre journal, cela. Oui. En 1938. Oui. Eh bien, voyez, les chroniques dramatiques, elles ont été réimprimées. J'ai donc corrigé les épreuves. Jamais tout ne m'est fait attention. Mais je me demande si, en trouvant ces négligences sous la plume d'un autre écrivain, vous seriez aussi indulgent. Ça, je n'en sais rien. Moi, je ne le crois pas. Bon. Mais, en somme, si une négligence n'est pas voulue, vous voulez ensuite la garder. Vous mettez votre volonté à préserver l'involontaire. Je vous dis, les choses qui viennent, je les laisse. Voilà. Elles sont venues comme ça, je n'y touche mais pas. Mais pourquoi ne pas supposer qu'après s'être exprimé naturellement d'une certaine façon, on éprouve ensuite, avec le même naturel, le besoin de se corriger? Ça vous arrive bien de vous reprendre dans une phrase. Du moment que je dis que les répétitions, pour moi, ne sont pas un défaut, alors je ne m'en occupe pas. Et puis je vous ferai remarquer qu'il y a un mot de Pascal, quand un mot a besoin de se répéter, répétez-le. Oui, mais quand il n'a pas besoin de l'être, ne le répétez pas. Bah. Je trouve que tous ceux que vous avez répétés là n'avaient pas besoin de l'être. Et vous avez... Vous laissez entendre qu'en somme, pour vous, en tolérance et négligence, vous admettez qu'il est inutile d'essayer de se perfectionner. Le perfectionnement, pour vous, importe peu. Oui, le perfectionnement, pour moi... C'est quelque chose qui n'est pas naturel, le perfectionnement. Ah, c'est la connaissance de la langue. Voilà, ça ne correspond pas à ce laisser-aller que vous voudriez suivre. Mais si. Ah non, le perfectionnement n'est pas une pente qui descend, c'est une pente montante. De ne pas employer un mot pour un autre. De ne pas employer un mot pour un autre, c'est déjà un effort qui n'est plus exactement conforme au naturel que vous prenez. Moi, j'ai appris ma langue en écrivant et en lisant. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui se trompent, qui emploient un mot en voulant signifier une chose et qui n'est pas le mot qui convient... Ils font une erreur de sens, ils font un contresens, alors là, c'est autre chose. Eh bien, tout de même, c'est grave. Ah, évidemment. Mais je crois qu'il est quelquefois très grave aussi qu'on emploie deux fois le même mot, car... Les idées ne sont pas toujours exactement concordantes et on n'exprime pas les nuances que l'on pourrait exprimer en employant deux mots différents. Vous avez des préciosités qui ne sont pas dans... Ah mais non, mais ce n'est pas une question de préciosité, c'est une question de pureté, au contraire. Oui, c'est ça. Et la pureté et la préciosité n'ont rien à voir. Ouais. Vous avez écrit, en tout cas, en parlant de Rémy de Gourdon... Oui. Il représente le plus bel exemple qu'on puisse offrir d'un perfectionnement continuel dans l'art d'écrire. Ouais. Eh bien, j'estime que c'est une façon de se perfectionner que d'éliminer de ses textes certaines négligences, certaines répétitions. Et je suis surpris de voir qu'au nom du naturel, vous les acceptiez et que même, en somme, vous glorifiez d'être négligent. Oui, je prise beaucoup la négligence. Enfin, excusez-moi, je vous ai interrompu dans votre développement, parce que vous avez parlé des répétitions. Maintenant, je vais vous demander de reprendre le cours de votre exposé. Si vous faites le pédagogue comme ça à chaque instant, je n'arriverai jamais à finir mon morceau. Oh, mais nous finirons un peu plus tard. Voilà. Allons-y, n'est-ce pas? Le travail, le souci de la perfection abîme tout. La spontanéité, l'abandon, la négligence. Je n'ai pas de dictionnaire. Je n'ai jamais besoin de chercher un mot. Les faiseurs de beaux styles, les prestigieux, les maniérés, les gens qui avalent leur canne pour écrire me font pitié. Un Flaubert. Que voulez-vous dire, les gens qui avalent leur canne pour écrire? Pour qui c'est une cérémonie d'écrire? J'en connais quoi. Un Flaubert, véritable ébéniste littéraire, qui a stické partout pour que ça brille. Le résultat, la médiocrité et l'ennui. Ah, le résultat, c'est que ça brillait aussi. Je ne sais plus qui récemment, dans la table ronde, après une nouvelle lecture de Madame Bovary, l'a déclaré assommant pour la monotonie du style, le manque de vivacité. Le jugement de ce critique n'est pas forcément celui de... Il a fallu que je me retienne pour lui écrire combien il me faisait plaisir. Flaubert parlait ce qu'il écrivait. Mirbeau. Et d'autres encore. Ça tourne à la déclamation. Valéry, le ronde de notre temps. Je croyais que vous aviez écrit justement pour ne pas vous laisser emporter par des propos trop vifs. Attendez, et voici que vous arrivez en écrivant. Gardez vos observations. Valéry, le ronde de notre temps, a dit un jour, quand il pleut, dites il pleut. À quoi suffit un employé? Moi je dis vive l'employé. Monsieur Valéry trouvait qu'on ne doit pas, quand il pleut, dire il pleut. Il faut dire la pluie zébrait l'atmosphère de... Voilà. Ouais. Il faut néanmoins, au moins, les qualités de ton, de sensibilité, d'une certaine personnalité. La grande marque, c'est d'écrire en rapport complet avec l'homme qu'on est, et que cela éclate. Des gens comme Romain Rolland, comme Guéhenno, comme Schlumberger, que je me suis laissé aller à essayer de lire, ne sont pas des écrivains. C'est du travail de bureau, et un bavardage, et un talent pour ennuyer, et un manque de sens critique pour soi-même. Ce sont des gens qui ne doivent pas rire souvent. On me citait justement, il y a 3 jours, un mot d'André Gide sur ce monsieur Guéhenno. Il parle du cœur comme d'autres parlent du nez. C'est très joli comme mot. Le mot est très joli, je ne sais pas s'il correspond vraiment à la réalité. Ça va. En tout cas, vous impliquez dans ce mot 2 personnes à la fois, André Gide et Guéhenno, ah, ce qui n'est pas... Ah, avec les compliments à Gide. Et c'est d'autant plus grave que vous avez écrit que c'est prémédité. Ouais. Et puis, je n'aime pas les écrivains à tendance peuple. Cela va pour moi jusqu'à l'écœurement. Ça, c'est pour Guéhenno. Mais qu'appelez-vous un écrivain à tendance peuple? Monsieur Guéhenno. Il y a eu des écrivains qui étaient à tendance populaire, mais qui avaient du style. Un homme comme Vallès, par exemple. C'est une autre chose. Comme ça. Enfin, après cette condamnation de ces écrivains, arrivez-vous à une certaine approbation? Je lisais aussi tout récemment dans la Gazette des Lettres, qui a ouvert une enquête auprès de certains écrivains pour savoir s'ils sont contents de la façon dont on s'est occupé d'eux dans les histoires de la littérature actuelle, la réponse de Francis de Miomandre, disant qu'il a publié plus de 20 volumes dont personne n'a parlé. Avouez qu'il faut une dose de vanité ou d'ingéniosité pour révéler ça soi-même. En tout cas, si on n'en a pas parlé, aujourd'hui on en parle, ainsi l'injustice est réparée par vous. C'est lui aussi qui me disait un jour, au Mercure, comme je parlais de Rouvert, allez donc lui dire d'abord d'apprendre à écrire. Je lui ai fait cette réponse. Apprendre à écrire, à Rouvert. Mais il écrit 100 fois mieux et de façon 100 fois plus intéressante que les gens qui écrivent bien. Il écrit à sa ressemblance. Mais on peut écrire à sa ressemblance et écrire bien? Non. Tenez. C'est un mot de Sainte-Beuve. Un membre de l'Académie écrit comme on doit écrire. Un homme d'esprit écrit comme il écrit. Ça, c'est envoyé. Ça, c'est un homme d'esprit peut justement écrire très bien aussi. Il peut unir le naturel. Non, mais non, le mot bien n'existe plus. il y a là. Mais justement, vous représentez cela, bien écrire. Vous écrivez bien naturellement. Donc on peut écrire à sa ressemblance et écrire bien. Non. Oh, décidément, nous ne nous entendrons jamais sur cette question. Non, nous ne nous entendrons même pas quand je vous fais des compliments. Voilà. Je trouve que le mot de Sainte-Beuve, c'est la définition du style parfait. Voilà. Un homme d'académie, n'est-ce pas, qu'elle a. Il faut plaire, il faut conquérir, il faut obéir, il faut se soumettre à certaines règles qui sont admises, n'est-ce pas? Tandis que l'homme qui a de l'esprit et dont la tête un petit peu petite, ça c'est rouvert. Et finalement, sa tête et son style peuvent pétiller et il peut conquérir les suffrages et finir voyez à l'académie. Voyez bien que ce premier monde lui dit, allez-nous lui dire d'apprendre à écrire. Ben, moi, je trouve que c'est un monsieur normal qu'on pourrait lui dire, dites donc, enlevez un petit peu vos falbalas et vos ornements, n'est-ce pas, et au lieu de faire mais vous êtes particulièrement agressif alors que vous aviez l'intention de ne pas l'être. Voilà. Je continue dans le pipe. Je n'ai jamais écrit par obligation. Je tiens la littérature alimentaire pour méprisable. Ça, je suis entièrement de votre avis. C'est pourquoi toute ma vie, j'ai été employé. La matérielle assurée, tant bien que mal. Pour assurer ma liberté et n'écrire que lorsque j'y avais plaisir. Et c'est la vérité, c'est peut-être excessif, mais je tiens la littérature alimentaire pour méprisable. Je plains les gens, mais c'est... Non. Je suis au reste arrivé à cette opinion que la littérature, comme tous les arts, sont les fariboles, qu'il n'y a rien d'admirable. Le mot admiration me fait pouffer. Il arrive qu'on l'intéresse, qu'on distrait, qu'on plaise, rien de plus. Je ne suis pas plus porté à l'admiration qu'au respect. On peut dire tant pis pour moi, ça m'est égal. Les gens qui se poussent du col pour ce qu'ils écrivent, qui sont heureux des compliments, des honneurs, me font pitié. Ah, permettez-moi ici de vous interrompre encore. Je voudrais vous demander... Vous n'êtes pas sensible aux compliments, donc pas sensible, pas plus sensible à l'approbation qu'à la désapprobation. Ça me s'égale. Alors pourquoi... J'aime mieux les observations que les compliments. Il y a toujours quelque chose à tirer des observations, il n'y a rien à tirer des compliments. Chaque fois que, quand on fait une observation, je réfléchis dessus, n'est-ce pas, ça m'intéresse. Voilà, les compliments, qu'on fasse des compliments. Alors pourquoi publiez-vous, puisque vous ne recherchez... pas du tout l'approbation. Ben, je publie vous pas. Ne cherchez pas à veiller d'écho. Qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas on me demande. Voilà, moi. Non, vous... mais au début, on ne vous a rien demandé. Vous avez cherché à publier comme tous les jeunes. Vous avez... Jamais. Vos premiers poèmes qui ont paru au Mercure de France. Ça, c'est fini. C'est l'unique fois que j'ai porté un manuscrit que je parle. Unique fois. Ensuite, on vous l'a demandé. Oui. Mais enfin, vous auriez pu dire, non, moi, j'écris pour moi, je ne publie pas. Et vous avez dit, oui, je veux bien publier. Il y a une différence. Une différence dans le processus, mais l'aboutissement elle-même. Moi, je tiens à ceci, que je n'ai jamais porté de manuscrit nulle part. Oui, c'est une satisfaction d'amour propre, mais enfin, le résultat est là, vous publiez comme les autres. Et alors, comme justement, vous vous souciez fort peu de l'opinion d'autrui, que vous avez un vrai plaisir à écrire, qu'une fois que le texte est écrit, vous vous en désintéressez complètement, vous me l'avez dit. Alors que cherchez-vous dans la publication? Ben, écoutez, vous n'avez pas d'ambition littéraire, vous me l'avez dit aussi. Oui, oui. Alors je ne vois pas quel est le mobile auquel vous obéissez en publiant. Et vous avez pas mal publié. Quand par exemple vous avez laissé faire 2 livres avec vos chroniques dramatiques, Ben, écoutez, pourquoi l'avez-vous fait? Ben, écoutez, à cette époque-là, tout de même, ça représentait... Je n'avais que les appointements du Mercure. Mais vous venez de me dire que la littérature alimentaire vous paraissait méprisable. Je parle des gens qui écrivent quotidiennement des articles sur des sujets qui doivent peut-être pourraient se corver. Voilà ce que j'appelle la littérature alimentaire. Moi, je n'ai jamais besoin de ça. J'étais employé. Enfin, quand une occasion de profit se présentait avec ce que vous aviez écrit, vous ne la laissiez pas échapper. Mais j'ai mis 3 ans à répondre à la sollicitation de Gallimard. Oui, mais enfin, vous avez répondu affirmativement, finalement. Et puis j'ai encore laissé passer 2 ans entre le premier et le second volume. Ça prouve que vous êtes très hésitant, mais enfin, ça ne prouve pas que... Non, ça ne prouve pas que je suis hésitant, ça prouve que vous renonciez à la publication. Oui. Ah, décidément, écoutez. Les gens qui se poussent du col pour ce qu'ils écrivent, qui sont heureux de compliments, des honneurs, me font pitié. En réalité, On n'est guère responsable de ce qu'on écrit, ni d'avoir du talent. Ou de n'en pas avoir. On est bâti, fabriqué ainsi. Quant aux gens qui ont le souci de la postérité, je les tiens pour des sots. Et j'emploie un mot poli. Je me demande ce que peut faire à Racine dans sa poussière d'être considéré comme le premier tragique français. Je vous ferai remarquer que je remploie le mot « considéré » car pour moi, il ne m'intéresse pas. Sous ces falbala, tous ces ornements nuisent pour moi à la vérité. Non, ce mot « postérité » me fait éclater de rire. Une seule chose compte, ce dont on peut jouir ou souffrir quand on est vivant. Alors, excusez-moi, mais je crois vraiment indispensable de vous poser une question. Votre journal, qui compte à l'heure actuelle plus de 10 000 feuillets, vous n'en avez publié que quelques fragments. Oui. Je sais que vous comptez publier ce journal après votre mort, enfin que vous comptez le faire publier après votre mort. Puisque la postérité ne vous intéresse pas, puisque le jugement de... Puisque ce qui n'est pas actuel, ce qui n'est pas une réaction dont vous pouvez vous rendre compte de votre vivant, vous laisse complètement indifférent. Alors pourquoi publier après votre mort? Mais vous interprétez tout à fait inexactement mon dédain de la postérité. Ça ne m'intéresse pas, la postérité. On publiera ça. Ça m'est égal. La preuve, c'est que ce n'est pas moi qui le publierai. Et si... Dans ce fragment de journal que je dois donner au Mercure ou à la Table Ronde, il y a ceci, c'est que l'année dernière, j'ai travaillé pendant un mois à nettoyer mes papiers. Et ma parole d'honneur, j'ai brûlé dans le jardin près d'un mètre cube de papier, et ma parole d'honneur, il s'en est fallu peu que j'y mette les 10 000 feuilles. Heureusement que vous ne l'avez pas fait. Oui. Comprenez que je ne sais même plus ce qu'il y a. Si vous vous en désintéressez de votre journal, je veux dire que... Tous les contemporains, ils prennent grand intérêt, ils le redoutent. Vous, eh bien, vous savez, on l'a fait un chiquet sur ces papiers. Moi, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Chaque fois que j'en donne un fragment du Renvoyer, aujourd'hui, quand j'en publie, je publie les choses écrites maintenant. Je n'ose pas regarder ces papiers. Je n'ose pas. Non. Alors, n'est-ce pas, avouez qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont le souci de ce qu'on dira après eux. Vous avez des quantités primitives qui disent, oh, on ne parle pas de moi aujourd'hui, mais un jour. Ah, quand on est... Non, mais je pense bien que vous ne laisserez pas publier votre journal pour qu'on parle de vous, mais vous le laisserez publier tout de même pour une raison, et c'est cette raison que j'aimerais connaître. Mais je n'en ai aucune. Du reste, rien n'est décidé encore. Oh, ben j'espère bien que vous n'allez pas en faire un feu dans votre jardin. Oh, vous savez. Ça ne m'intéresse pas. Je sais me mettre à ma place. Je n'ai rien d'extraordinaire. Ce que j'ai écrit sont presque des lieux communs. Nous sommes à une telle époque de manque de culture que cela paraît remarquable. Je ne voudrais pas vous interrompre parce que vous n'arriverez pas au bout de votre développement, mais tout de même, ce que vous venez d'affirmer là, je me dois de le relever et de dire que c'est un jugement très... J'ose à peine employer ce mot, un peu superficiel, enfin tout de même. Mais pourquoi la période actuelle manquerait-elle de culture? Écoutez, chaque fois que j'ai trouvé des gens s'éblouissaient à ce que je leur écris, j'ai toujours répondu, vous n'avez probablement jamais rien lu de la littérature française. Et je le pense. Je l'ai écrit plusieurs fois à des gens. Et vous n'avez rien lu, probablement. Mais ne croyez-vous pas que votre incompréhension, je ne veux pas dire votre méprise, pendant il existe, pour la littérature actuelle, vient de votre méconnaissance de cette littérature? Vous ne vous y intéressez pas? Celle d'aujourd'hui, encore non. Je n'ai pas lu un livre de tout ce qui est paru depuis la Libération. Alors comment pouvez-vous dire que notre époque manque de culture et qu'il n'a plus de littérature valable? Quand je vois la façon dont on écrit, n'est-ce pas, ce pétain pseudo-philosophique, c'est illisible. Je suis arrivé à constater que les arts sont les paris. Voilà. Que les arts? Tous les arts, la littérature en tête. Tout ça, ce sont des distractions que les hommes ont inventées parce qu'ils s'embêtaient. Eh bien, ce serait encore une raison valable de les avoir inventés. Vous avez vous-même toujours dit que vous écriviez Pour passer le temps. Le temps. Ah, et vous avez et donné ce titre à un de vos ouvrages, Passe-temps. Oui. Ben oui, et ben, ça rentre dans ce que je dis. Voilà. Ben, c'est un passe-temps peut être une chose très... artificielle. C'est une névrose. Forcément, au contraire. Un homme normal n'écrit pas. Le jeu, puisque enfin, le passe-temps, c'est une façon de jouer. Oui. Ben, le jeu est une des fonctions normales de l'homme. Une fonction les plus essentielles, même à sa vie, une des fonctions primordiales. Je tiens, moi, comme certain, que l'homme vraiment normal, il ne viendra jamais l'idée d'écrire, ni de peindre, ni de composer. Non, mais il fera autre chose. Il jouera aux boules, ou il ira voir, il lira ce que les autres auront écrit, il fera des ricochets. Mais il jouera, il comprendra l'art d'une autre façon, il ira aux courses. Il s'extasiera devant un beau cheval. Le mot, menons. Les gens qui vont aux courses ne savent pas. Mais même si pour vous l'art n'est qu'un jeu, ça peut encore être une raison d'être très valable. Je me plais. Cependant, bien sûr que j'attribue peu de choses à ce que, peu de prix à ce que j'écris. Ça, vous savez, c'est la vérité. Je me plais cependant comme je suis. Je n'envie le talent d'aucun autre. On m'offrirait de changer, je dirais non. J'ai un grand plaisir, le seul qui ait vraiment compté pour moi, à écrire mes petites affaires. Je trouve que c'est beaucoup, vraiment beaucoup. Je me trouve même favorisé quand je pense à ceux qui ont sué pour écrire ce qu'ils croient être des chefs-d'œuvre. J'ai encore un mot à ajouter. J'ai écrit, et j'y tiens, car je crois cela vrai, en toute chose, ce qu'on appelle la perfection est sans intérêt. La perfection n'a pas de personnalité. En littérature, la perfection est toujours plus ou moins de la fabrication et facilement reconnaissable. C'est surtout en littérature que j'ai le mot, que j'ai en horreur le mot art. Voilà. C'est fini. Eh bien, si vous me permettez, je veux dire que ce qui ressort de la lecture de votre œuvre, car vous avez une œuvre littéraire, quoi que vous en pensiez, ce qui ressort de cette lecture en même temps que de tout ce que vous venez de dire, c'est que vous pouvez parler au nom du naturel et répudier sans danger l'art. Parce que chez vous, le naturel va naturellement de pair avec le don d'expression. De sorte que vous êtes un artiste à votre insu. On peut adapter à votre cas la formule pascalienne « Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher ». Vous avez, vous, une façon de ne pas être littérateur qui est, excusez-moi de vous le dire, de la grande littérature. Je voudrais vous demander de reprendre avec moi le cours de votre vie. Certainement. Là où nous l'avons abandonné, c'est-à-dire vers 1928. Aviez-vous conservé au Mercure de France le même emploi que 20 ans plus tôt? Comment l'entendez-vous? En 1928. Aviez-vous les mêmes fonctions? Étiez-vous toujours secrétaire oui, du Mercure? Oui, parce que je n'ai été liquidé par Bernard qu'en 41. Oui, mais vous faisiez exactement les mêmes choses. Les mêmes vous choses. Vous n'aviez pas changé de pas emploi. Du tout. Vous avez donc conservé cet emploi jusqu'en 1941 ou 2? 33 ans. Oui. Fin septembre 41. Pouvez-vous me dire à la suite de quelles circonstances vous avez été amené à quitter votre poste au Mercure? Si ça n'est pas trop pénible pour vous. Non, c'est une chose qui s'est passée pour moi, une vraie rigolade. Je suis arrivé le 30 septembre. La concierge m'a dit, M. Jatteau, M. Bernard m'a chargé de vous dire, de monter le voir quand vous arriverez. Oui, je précise que M. Bernard était le successeur de M. Valette, qui était mort en quelle année? 35. En 1935. Et le successeur désigné par M. Valette, avec raison du reste. Parce que Bernard travaillait avec lui, il connaissait l'administration de la maison par cœur, et l'indication de lui pour le succéder à M. Valette était fort naturelle. Et rien ne pouvait laisser prévoir une telle mesure prise par Jacques Bernard, à votre égard. Non, mais Jacques Bernard était dans un déséquilibré. Jacques Bernard avait eu un accident de motocyclette à Donfront, qui avait dû lui causer quelques dommages au crâne, sans qu'il y ait eu vraiment fracture. Il le savait lui-même, puisque moi, il m'a dit souvent, quand une idée me vient, pour que je laisse passer 4 jours pour voir si je la garde. Nous en étions donc au point où vous arriviez au Mercure et où la concierge vous faisait oui. part de Alors, l'intention de M. Bernard de ne plus vous avoir comme employé. Alors, Jacques Bernard m'a dit, Léoto, j'ai résolu de me séparer de vous, pour le plaisir de ne plus vous voir. Uniquement ça. Et s'il le faut, n'est-ce pas, s'il faut que je mette de l'argent de ma poche, je le mettrai. Et je me dis, mais quand on se donne un tel plaisir, ça vaut bien quelques sacrifices. Voilà. Et enfin, je suis parti, j'ai déménagé tout ce que j'avais dans mon bureau depuis 33 ans, n'est-ce pas. Ça a été un véritable déménagement. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Mais vous avez dû éprouver vraiment du chagrin de cette... Non, aucun chagrin. Cette mesure... Non, j'avais du chagrin de quitter ce bureau, voilà, n'est-ce pas. Alors je lui ai fait annuler. Et j'avais signé un traité pour l'édition du journal avec M. Valette. Je le lui ai fait annuler. Voilà. Voilà. Mais est-ce que vous avez éprouvé en même temps une impression de soulagement, de bon débarras? Moi, non. Vous ne vous êtes pas dit, maintenant, je vais pouvoir écrire tranquillement chez moi? Non. Non, vous avez été très fataliste. Oui, oui, oui. Et vous avez repris votre vie coutumière à Fontenay. Oui. Avec vos animaux. Voilà. Dans une solitude qui ne faisait que s'accentuer. Oui. Cette vie que vous meniez à Fontenay à partir de votre congédiement du Mercure de France, cette vie tout de même devait vous paraître ennuyeuse. Je ne me suis jamais ennuyé dans ma vie. Jamais. Je peux avoir des pensées désagréables, je peux avoir des cauchemars, je peux avoir... Ça m'occupe. Songez quand j'étais enfant, je vivais caché sous une table. C'est la même chose aujourd'hui. Vous vivez caché dans votre maison. Ouais. En 1940, quand survint la débâcle, vous étiez à Fontenay. Oui. Et vous y êtes demeuré. Oui. Vous n'avez pas été effleuré par le désir de fuir devant l'invasion. Pas du tout. Donc vous êtes resté à Fontenay-aux-Roses, vous avez observé un silence absolu. Oui. Vous n'avez rien écrit. Oui. Vous n'avez rien publié pendant l'occupation. Vous avez donc tout de même trouvé... Oui, vous avez publié des fragments de votre journal littéraire. Non, et puis j'ai publié notre trouvé. Oui, mais enfin c'était des opinions tout à fait littéraires ou psychologiques qui n'avaient rien à voir avec la politique. En tout cas, pendant les deux premières années de l'occupation, tout d'un coup, une nouvelle éclate. La radio de Vichy la répand. Paul Léoto est mort. Mmh. Et vous vous portiez à ce moment-là très bien, Fontenay-aux-Roses, et vous ne saviez pas que vous étiez mort. Et je pense que cette nouvelle a dû vous réjouir. Car vous aviez plusieurs fois dit que vous regretteriez beaucoup de ne pas pouvoir connaître les réactions de vos confrères et de vos amis après votre mort. Dans votre journal... En 1907, vous rapportez une conversation d'Alfred Valette, qui avait demandé à Francis Jam un article nécrologique sur Charles Guérin qui venait de mourir. Et vous avez écrit « Si je mourais, j'aurais aussi un article. Ce serait toujours cela. L'embêtant, ce serait de ne pas pouvoir le lire, ni de savoir qui aurait été chargé de l'écrire. » Et plus tard, vous avez écrit, je crois que c'est dans Passe-Temps, « Y a-t-il un seul écrivain digne de ce nom qui ne pense pas à sa mort comme à une suprême occasion de publicité ? Le fait est, quelle jouissance de curiosité de penser à ce qu'on dira, de l'imaginer, de se le représenter comme si on pouvait le lire, alors qu'on sera si bêtement enfermé dans une caisse et bien empêché de lire les coupures. Mmh. » Bien ce plaisir que vous pensiez ne pas avoir, vous l'avez eu, et vous l'avez eu même abondamment, car la presse a publié un nombre incalculable d'articles sur vous, qui tous, ma foi, étaient élogieux et dithyrambiques même. Mais est-ce que vous n'aviez pas facilité la tâche de vos apologistes en puissance en leur donnant un modèle d'épitaphe rédigé par vous? Je voudrais que vous nous la disiez, cette épitaphe. C'est Gaëtan Sarboisin qui est arrivé un matin au Mercure et qui m'a annoncé cette nouvelle de ma mort. Je ne la connaissais pas. Et alors, il vivait à... Dans l'Allier, à... Ah, je ne sais plus quel... Enfin, en zone sud, il était. Oui, est-ce que l'Allier était la... Oui, c'était la limite. Ah, bon. Alors, il avait sans doute appris cela dans la zone non occupée. C'est ça, vous avez apporté la nouvelle. Parce que toute la presse était de... De l'autre côté, oui. De l'autre côté, oui. Et tous les articles qu'il m'a apportés, que j'ai reçus par la suite, étaient de l'autre côté. Alors, c'est à Beaune que la nouvelle a commencé. En Algérie? Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas... Encore. L'origine de la nouvelle, vous l'ignorez? Ah oui. On a annoncé à Beaune par... par radio, je ne sais pas quoi. Oui, par radio. Que j'étais mort, voilà. Et beaucoup de journaux ont reproduit justement l'épitaphe que j'aimerais que vous nous disiez maintenant. Ah, ouais. Ici J. Paul Léoto, plus connu Maurice Boissard. Il écrivait et parlait sans phare, il me l'en tout à un gros mot. Quand on l'enterra, c'est bientôt, dire quelques-uns. Mais à part beaucoup penseurs, c'est bien tard. Est-ce que ce petit jeu des épitaphes ne vous a pas amené à en faire d'autres? Oui. Que j'aimerais que vous disiez aussi à l'occasion de votre fausse mort, notamment celle d'Aurel, qui était terriblement vengeresse. Durant, vous savez, elle n'a rien d'exagéré. Dans le feuilleton que j'ai écrit sur elle, je lui ai déjà donné l'expression d'une morte profanée. Voilà. Alors l'épitaphe, c'est « Sigi Aurel au naturel ». Et celle de Descaves? Ici, j'ai Lucien Descaves, passé du grenier à la cave. Et puis alors celle de Rouvert? Si j'ai André Rouvert, en cette sépulture, sa plus belle caricature. Je crois que vous aviez une dent contre Madame Aurel. Non! Elle vous avait un jour traité de crapaud. Oui. Et que vous lui aviez-vous répondu? Je crois une... Crapaud, un animal utile qui détruit la vermine. Oui. C'était un peu vif tout de même. Oui. Ouais. C'était assez vif aussi de vous traiter de crapaud. Bon. Enfin, cette mésaventure qui consiste à savoir qu'on est mort était déjà arrivée à d'autres écrivains, notamment à Francis Jammes et à Mark Twain. Lequel, apprenant sa mort, avait envoyé aux journaux cette note. Je me refuse énergiquement à croire à ma mort tant que la nouvelle de celle-ci ne me sera pas personnellement confirmée. Et quelle a été, vous, votre réaction quand vous avez appris que vous... Oh, j'ai trouvé ça très drôle. Très drôle. Très drôle, enfin, surprenant. Et puis alors, n'est-ce pas, je vous dis, j'étais mort. Alors, les gens qui ont écrit n'avaient plus aucun souci de m'être agréable, vous aussi, n'est-ce pas? J'ai été renversé de tout ce que je disais. Mais vous avez été surpris agréablement. Oui, oui. S'il n'a pas empêché le fléau de dire « C'est lui qui l'a lancé, la nouvelle de sa mort. » Mais il faut dire que ceux qui écrivaient sur vous n'étaient généralement pas ceux sur qui vous aviez écrit. Oui, ça c'est vrai. Car si l'inverse s'était produit, je ne sais pas si les articles auraient été aussi élogieux. Enfin, l'étude la plus émue fut celle, certainement, d'André Billy. André Billy qui vous consacra un article en manchette dans le Figaro littéraire, dans lequel il disait notamment, j'ai retrouvé son texte, « Je perds en Léoto un ami redoutable, dont la mort me cause une grande peine. La littérature perd un de ses originaux les plus dignes de mémoire. On n'a pas fini de s'occuper de Léoto. » Et lui-même, il continuait de s'occuper de vous la semaine suivante, en publiant un article intitulé « Lettres d'outre-tombe », qui était une sorte de pastiche de vous. Il imaginait que, de l'autre côté, dans ce que vous appelez votre caisse, vous lui écriviez. Et, en fait, une réponse d'outre-tombe, c'est une réponse d'outre-ligne de démarcation que vous lui avez envoyée. Vous lui avez prouvé que vous étiez bien vivant, parce que vous l'avez attrapé d'avoir employé des expressions tout à fait injustifiées en les mettant dans votre bouche, ou plutôt sous votre plume. Et est-ce que vous vous souvenez les reproches que vous lui avez fait, des reproches grammaticaux à l'occasion de votre mort? Oui, je me souviens bien. Quelles étaient ces fautes qu'il avait commises? Je sais que je me rappelle le fait, mais les exemples, je ne les ai pas dans l'esprit. Vous obéissez toujours, Monsieur Léoto, à ce qu'on pourrait appeler votre bon plaisir. Ce plaisir, bon pour vous, paraît souvent aux autres un mauvais plaisir. C'est ainsi que vous vous êtes attiré la réputation d'être un homme sans principe. Ceux qui prétendent cela sont simplement ceux qui ont des principes différents des autres, des vôtres. Vous êtes de mon avis, je pense. Oui, oui. Et ce sont ces grandes tendances auxquelles vous avez obéi, que vous l'ayez prémédité ou non, ce sont ces grandes tendances que je voudrais vous faire préciser ici. Bon, ben, je peux vous dire que je me suis toujours férocement appliqué à ne pas faire ce qui m'embêtait et à ne faire que ce qui me plaisait. Oui, c'est ce que j'appelle votre bon plaisir. Pour vous en donner cet exemple de très lointain, quand on m'avait indiqué, étant donné que je n'avais que 40 sous par semaine pour vivre, qu'on pouvait trouver au palais des adresses, des types d'avoués demandant un clerc, j'ai dit oui, mais moi je ne vais pas sur la rive droite. Il faut que l'étude soit sur la rive gauche. C'était plus que du bon plaisir, c'était du caprice. C'est vous. Parlons, il y avait un goût. Il y avait un goût que... Un goût capricieux. Écoutez tout de même, je préférais la rive gauche à la rive droite. Voilà. Bon, oui, mais quand sa situation est en jeu, il me semble pas passer sur ces petits goûts-là. La situation n'a jamais influencé sur moi là-dessus. Non, jamais. Rien. Et alors j'ai trouvé une étude de Voltaire. Bon. Alors je vous dis, je ne me suis jamais toujours appliqué à ne faire que ce qui me plaise. Vous avez eu bien de la chance, car souvent on voudrait faire ce qui plaît, mais on ne peut pas. Ah, parce que vous êtes esclave d'un tas de contingences. Moi, je n'ai jamais été esclave de contingences. Oh, vous l'êtes sans le savoir. Mais pas du tout. Sans le reconnaître. Mais pas du tout. Ainsi, j'ai été employé, n'est-ce pas, pendant 33 ans au Mercure de France. Eh bien, vous avez été 33 ans esclave d'une certaine profession. Mais pas du tout. J'avais mon devoir, je faisais mon service. Bon, vous aviez votre devoir, or qui dit devoir dit forcément servitude. J'étais employé, je touchais de l'argent pour ça, c'était mon honnêteté, je devais faire mon travail qui me durait, qui me plaisait beaucoup. Mais quand j'avais envie de prendre mon chapeau, rien au monde n'aurait pu m'empêcher de prendre mon chapeau. Oui, mais vous ne preniez votre chapeau que lorsque votre travail était terminé. Oui. Donc vous étiez esclave de votre travail. Mais non, quand on est un homme de lettres et qu'on est employé dans un bureau où on reçoit toute la journée des gens de lettres, tout pour l'esclavage. Et puis M. Valet était... C'est peut-être le pire des esclavages, à mon avis. Oh, décidément, écoutez, vraiment... Enfin, bon, je voulais dire que vous n'avez jamais posé au philosophe. Là, vous êtes de mon avis. Oui. Et vous êtes même le contraire du philosophe. Vous avez répudié toute philosophie de votre vie. Et cependant, en définitive, et je crains fort de ne pas vous plaire en vous disant ça, en définitive, quand on considère votre vie, on s'aperçoit que vous avez appliqué spontanément une sorte de philosophie. Ouais. Vous êtes exactement à l'opposé de Schopenhauer, qui se réclamait toute sa vie de grands principes auxquels il ne s'est jamais soumis. Vous vous êtes toujours déclaré insoumis à toutes les conventions, et finalement, cette absence de conformisme est une forme de philosophie, c'est une espèce de conformation plus que de conformité. Je n'aime pas le mot philosophie, je dis moi morale. C'est-à-dire une règle de conduite, je vous dis. Ainsi, par exemple, je n'ai jamais tenté, ça n'est même jamais venu à l'esprit, je n'ai jamais tenté dans ma vie de prendre la place d'un autre ou de passer devant un autre. Jamais. Oui. Jamais. Pour vous, c'est un principe moral qui n'a rien à voir avec absolument, la philosophie. Absolument. Non, pour moi, le mot philosophie n'implique aucune idée livresque. C'est une idée plutôt de sagesse. Ouais. Vous avez tout de même obéi à certains principes de sagesse, en état de ne pas vouloir passer devant les autres. Maintenant, il faut dire que je n'ai jamais su ce que c'est que l'ambition, c'est peut-être ce qui m'a rendu si vertueux. Non, je voulais insister sur cette idée qui vous déplaît, que, en somme, vous obéissez, ce mot obéissance vous déplaît aussi, vous obéissez à certains principes, mais ces principes, vous ne les reconnaissez pas, c'est la seule difficulté. Mais je n'obéis à aucun principe. Mais si, vous obéissez d'abord, d'après vous, au principe... Pas avoir d'ambition, c'en est un. J'obéis surtout à ce principe de ne nuire à personne. Voilà. Eh bien, c'est un principe. Et je m'en voudrais, de nuire à quelqu'un dans sa carrière ou de chercher à passer devant, comme il paraît-il que ça se pratique sur une grande échelle. Eh bien, renonçons à ce mot philosophie et gardons ce mot morale. Ouais. Vous avez dit, je suis un moraliste à rebours. Oui. Qu'avez-vous voulu exprimer par là? Ah, parce que j'ai trouvé que j'exprimais aussi une sorte de morale contraire à la morale conventionnelle. Voilà. Et du reste, je crois que c'est Benjamin Crémieux qui a dit, mais certainement qu'il est un moraliste à rebours, mais il est un moraliste. Donc admettez que vous êtes un moraliste? Oui, mais je vous dis, j'ai toujours agi. Vous prenez la morale à contre-courant. Oui, enfin, vous la considérez. J'estime que je prends une morale plus vraie. Voilà. Parce que ma morale n'est pas hypocrite. Mais c'est une forme de, je ne veux pas dire de présomption, mais enfin tout de même. En tout cas, il y a dans cette... Nous avons la morale courante, elle est hypocrite. La morale courante n'est... La morale aboutit courante. Forcément à une hypocrisie, mais elle n'est pas la hypocrite à la base. La morale courante est faite de lieux communs pour maintenir la société dans de bonnes limites. Voilà. Moi, la mienne n'est pas comme ça. Il faut s'inscrire dans un ordre social, sinon on accède à l'anarchie. D'ailleurs, vous le dites vous-même. Vous dites, si tout le monde était comme moi, eh bien, ça ne marcherait peut-être pas si bien. Pas du tout. Vous le dites, j'ai le texte sous les yeux, je vais vous le dire. J'ai dit, s'il n'y avait que des hommes comme moi, il n'y aurait pas besoin de législation. Alors, voici ce que vous avez dit exactement. Je ne pose pas, croyez-le bien, puisque ce que je suis, je me reproche parfois de l'être, me disant que si tous étaient comme moi, le péril serait grand pour bien des choses. Ouais. Mais qui faire? En bien des choses, j'ai poussé de singulières façons, et qui m'a joué bien des tours fâcheux pour moi. Croyez-moi, je ne m'aime pas toujours tel que je suis. Oui, bon. Bien, ce texte correspond à votre idéal de vérité, et vous dites que, véritablement, si tout le monde pensait comme vous, ce serait l'anarchie, et vous ne voulez pas l'anarchie car vous restez très discipliné. Je ne suis pas discipliné puisque je n'ai obéi à personne. Mais vous obéissez à vous-même au principe que vous vous êtes... Vous employez le mot discipliné comme quelqu'un qui subit une discipline. Enfin, quand vous avez été employé pendant 33 ans... Ah oui, mais vous parlez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes aussi très discipliné. Avec quoi? Je suis discipliné à l'égard de mon travail, un point, c'est tout. Mais c'est une discipline comme une autre. Je suis libre de m'en aller, je suis libre de ne rien faire, je suis libre de tout. En train de vous poser à l'homme libre. Mais oui. Et c'est votre prétention? À l'homme sans attache, voilà le mot, sans attache. Je n'ai aucune attache. Non, vous dites que vous n'avez aucune attache, mais vous avez des attaches quand ce ne serait que ces animaux qui vous attendent le soir et dont vous êtes obligé de vous occuper. Je suis uniquement attaché à mes chats, en effet. Eh bien, c'est une forme d'attachement très... L'univers peut mourir, ça ne me fera rien. Oui, mais si vos chats mouraient, ça vous ferait... Ça me ferait de la peine. Donc, bon, vous avez du sentiment et vous avez de l'attachement et vous ne pouvez pas vous détacher des choses. Vous êtes comme tout le monde. Vous auriez fait un bon confesseur parce que vous avez une certaine adresse à arranger les choses selon une thèse. Voilà. Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment ou au contraire pour un blâme. Il y a beaucoup d'art dans le confesseur. Mais vous détestez l'art. Oui, enfin, d'art, d'adresse, si vous voulez, de certifruit, si vous voulez. Ah, ben merci, vraiment, vous êtes très aimable. Enfin, vous avez dit, et là je vous cite encore parce que souvent vous prétendez que c'est moi qui avance les choses tout à fait à la légère en les inventant. Mm. Mais là, je vais vous citer. Vous dites, je ne méprise rien. J'aime ou je n'aime pas. Et s'il m'arrive d'exprimer une opinion littéraire, je dis toujours, c'est mon opinion à moi et rien de plus. J'aurais honte qu'on puisse dire avec vérité que je méprise l'œuvre des écrivains dont j'ai dit du mal. Pauvre homme, pourrait-on dire, pour qui se prend-il? Vous déclarez donc là que vous ne méprisez rien, que vous aimez, que vous n'aimez pas, voilà. Et vous ne cherchez pas à justifier. Non. Vos goûts, et puis, vos dégoûts. Ouais. Chaque fois que j'ai une appréciation, je dis toujours, c'est mon opinion personnelle, rien de plus. N'est-ce pas? Mais enfin, c'est mon opinion. Vous passez donc par des alternances, vous êtes par moments l'homme le plus intolérant dans ce que vous dites, et puis ensuite vous passez pour l'homme le plus tolérant puisque vous tolérez... Mais je ne suis jamais intolérant. Mais quand les autres sont en jeu, je me garde d'être dominateur. Vous avez dit il ne faut pas avoir peur de ses propres idées, ni peur de les exprimer, même quand elles vont à l'encontre des idées admises, surtout... Si elles vont à l'encontre des idées admises. J'ai écrit ça. Vous avez écrit ça, il y a bien longtemps évidemment, il y a 51 ans, en avril 1899, et cela a paru dans le Mercure de France de février 1940. Bon. Donc en 1899, il y a 51 ans, vous aviez exactement la même conception que de nos jours. Vous n'avez pas varié sur ce point. Non. Et je relève dans ce que vous dites, cette petite phrase terminale, il faut exprimer les idées, surtout si elles vont à l'encontre des idées admises. Et je vois là une espèce de perversité, parce que vous ne dites pas, il faut les exprimer même quand elles vont à l'encontre. Vous dites surtout quand elles vont à l'encontre. Et j'ai l'impression que c'est cela que vous avez fait dans votre vie. Vous avez ce goût de choquer. Non. Non. Et puis alors, il me vient à l'esprit le terme pour me qualifier qui vaut mieux que anarchiste est individualiste. Voilà le mot qui me caractérise. Pas anarchiste, individualiste. Oui, vous poussez l'individualisme jusqu'aux limites les plus extrêmes, jusqu'aux limites où, justement, on frise l'anarchie. Ouais. Mais vous êtes un individu qui aimait aller librement dans la servitude. Je crois que vous êtes comme presque tous les individus. Seulement, vous n'acceptez pas la servitude des autres hommes, vous voulez forger vous-même. C'est la seule différence. Vous paraissez l'homme le moins libéral, et au fond, vous êtes un champion du libéralisme. Parce que vous admettez qu'on dise de vous le plus grand mal, quelquefois vous l'acceptez plus ou moins bien. Mais non, le principe, vous l'admettez. J'ai toujours été indifférent, je ne sais pas, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, je ne sais plus, c'est que peur 24 et 25, il y avait une revue d'Action française dont j'ai oublié absolument le titre, et on a publié dans cette revue un article extrêmement bien fait, extrêmement amusant à lire, qui s'appelait « Le talent et l'abjection » du sœur Léoto Boissard. Dumur m'a dit, vous savez, Léoto, si vous voulez répondre, les pages de Mercure, jamais de la vie. Je tiens que quiconque publie seulement trois lignes est justiciable de l'opinion de n'importe qui. Voilà, ça c'est mon principe, absolument. Voilà. Mais vous tenez tout de même, quelquefois, à faire de vous un portrait qui ne soit pas aussi cruel que celui que l'on fait de vous. Vous travaillez à rétablir ce qui vous paraît être la vérité. Je ne sais pas encore. Et notamment dans une lettre qui n'a pas été écrite il y a 51 ans, celle-là, dans une lettre écrite il y a quelques années à André Rouvert, vous dites « Je ne suis pas méchant pour deux sous, je suis vif, spontané, je dis carrément ce que je pense, voilà tout. » Mais oui, je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Vous tenez donc tout de même à ce que l'on ait de vous une opinion qui ne soit pas trop fâcheuse. L'opinion de vos semblables... Je suis incapable, je n'ai jamais fait une méchanceté à personne. C'est-à-dire que vous en avez fait, non. Sans peut-être les préméditer. Oh, écoutez tout de même, n'est-ce pas? Il m'a suffi de lire vos chroniques de Maurice Boissard. Mais c'était de la malice. Ah, une malice, oui, qui allait jusqu'à la malignité. Non, et puis des méchancetés écrites, ce ne sont pas des méchancetés actives. Ah, j'avais l'impression qu'elles étaient au contraire beaucoup plus grandes que les autres. Être un homme méchant, c'est nuire par derrière à quelqu'un avec certains propos inventés ou véridiques. Il y a une façon d'être méchant en nuisant par devant. Et c'est ce que vous avez fait, vous avez toujours dit « je ne suis pas perfide, moi je dis le mal en face ». Oui. En effet. Mais oui. Mais enfin, vous faites le mal quand même, il n'est peut-être pas perfide, mais vous le faites. Non. C'est-à-dire que vous êtes assez indifférent au mal que vous pouvez faire et que celui que les autres vous font vous laisse aussi assez indifférent. Non. J'ai écrit aussi dans une chronique dramatique, n'est-ce pas? On trouve que je vieillis parce que j'ai écrit. J'ai été quelquefois bien féroce pour des auteurs dramatiques, tout ça. Mon Dieu, j'ai eu tort parce que si j'avais connu cet auteur dramatique, il m'aurait dit, qu'est-ce que vous voulez? Naturellement, ma pièce ne vaut rien. Je suis le premier à le savoir. Qu'est-ce que tout le monde ne peut pas avoir du talent? Mon cher monsieur, vous êtes charmant, serrons-nous la main. Et j'aurais dit, c'est un homme qui n'a pas beaucoup de talent, voilà tout. Oui. Vous n'avez jamais pu renoncer à faire un bon mot sur le dos des autres. Ah, certainement non. Oui. Vous n'êtes pas fait pour le renoncement et surtout pas pour celui-là. Vous avez ça, toujours c'est encore... Voilà une méchanceté de votre part. Mais ce n'est pas une perfidie. C'est une pointe. Ah oui, c'est une pointe très acérée, je dois dire. Ouais. Mais je dois dire qu'on vous pardonne souvent votre manque d'esprit de charité parce que vous le compensez par un véritable esprit, très spirituel. Oui. Et cette phrase que vous avez dite dans propos d'un jour m'a beaucoup amusé. Vous avez dit, j'ai rencontré si peu d'esprit autour de moi qu'il a bien fallu que j'utilise le mien. Oui, parce que Jaloux avait écrit, n'est-ce pas? Ce qui gêne, c'est de voir, M. Léoto, citer nombre de bons mots de lui, n'est-ce pas? J'ai répondu, c'est lui que vous l'avez dit. Moi, j'en ai peur, alors je me sers. Et vous vous êtes bien servi. Oui. Enfin, vous voici maintenant âgé de... Moi, je commence 80. Et vous êtes... Vous avez l'impression d'être très libre. Oui. De mener une existence sans servitude. Oui. Entouré de vos animaux affectueux. Oui. Une existence sans sentiments. Oui. Heureusement. Que vous dites. Oui. Une existence tout à fait calme et en somme assez sereine. Oui. Vous accédez à cette partie de la vie qui souvent, pour beaucoup, est pleine d'angoisse physique et métaphysique. Je n'ai pas physique, je pense que, enfin, je vivais encore métaphysique, je n'ai jamais connu ça. Voilà. Vous dites la plus belle jeunesse, c'est la jeunesse de l'esprit quand on est âgé. Oui. Cette jeunesse, vous l'avez conservée avec beaucoup de verdeur. Oui, je trouve que c'est une forme du bonheur que d'atteindre un certain âge et de garder encore au moins tous ses moyens intellectuels. Et quels sont, à l'heure actuelle, pour vous, dans cette vie qui, en somme, correspond à ce que vous avez voulu qu'elle soit, quelles sont les satisfactions que vous éprouvez? Écrire mon journal, et fumer. Des satisfactions très simples. Oui. Cela correspond donc exactement à ce que vous avez écrit il y a quelques années. Allons, les livres, la rêverie, la solitude. La solitude devant mon papier et mes deux bougies. Et le plaisir d'écrire. Contente-toi de cela. Pourquoi tu es fait uniquement? Ouais. Là, je crois vraiment que vous aviez renoncé en écrivant ça à toute ambition. Ouais. Et même à d'autres choses. À d'autres choses? Ouais. Que voulez-vous dire par là? Certains plaisirs. Cela me paraît assez normal. Pourquoi? Quand j'ai écrit ça, je n'avais pas l'âge que j'ai. C'était une sorte de précocité, alors, dans Non, c'est une constatation. C'est pas un ossement, c'est une constatation. Puisque tu n'as pas de chance de ce côté-là. Content de toi, avec ça. Vous n'éprouvez donc aucun regret? Non. Vous avez dit que la vieillesse était l'enfer des hommes. Non. C'est vous l'avez dit. Non. Si, quand il y a une cinquantaine d'années. Non. Vous avez dit quelque chose d'approchant, alors. Ah non. Je ne me serais pas permis de dire ça. Parce qu'il y a le mot de La Rochefoucauld, l'enfer des femmes, c'est la vieillesse. Et que, vraiment, je n'ai pas l'habitude de paraphraser comme ça. Oui, alors vous avez dû citer le mot de La Rochefoucauld en disant que ce n'était pas seulement pour les femmes que la vieillesse était un enfer. Ah oui, peut-être. Donc, je ne me trompe oui, pas oui, dans oui, l'esprit j'ai mis, de ce et dit. Pour certains hommes aussi, en effet. Oui, oui. Avez-vous l'impression de vivre dans cet état un peu infernal? Non. Vous êtes donc très résigné? Oui, je suis résigné. Il y a des choses sur lesquelles je mets une barre, puisqu'il n'y a pas moyen. Voilà. Eh bien, c'est bien exactement la résignation, c'est justement... Mais non, c'est de la solidité, c'est pas de la résignation. Je ne gémis pas, je n'y pense plus. Ça fait deux. Et vous n'y pensez vraiment pas? Malgré que moi, j'y pense. En somme, vous avez passé votre vie à vouloir être un homme libre. Vous l'avez été dans toute la mesure du possible. Vous n'avez jamais hésité à choquer les autres en disant ce que vous pensiez. Et vous représentez exactement l'homme qui se sent libre, mais qui ne l'est peut-être pas autant qu'il dit qu'il l'est. On vous qualifie toujours d'anarchiste. Vous l'avez reconnu vous-même, vous êtes plus un individualiste qu'un anarchiste. Et je crois, j'ai l'impression qu'au fond, vous êtes un homme qui est fait pour marcher dans une voie toute régulière et que vos saillies sont plutôt celles d'un esprit fantaisiste que d'un esprit qui veut accomplir une révolution. Oh oui, oui. Il n'y a rien que je trouve idiot comme une révolution. Parce que vous dépossédez une classe. Les avantages de cette classe dépossédée passent à une autre, qui aussitôt qu'elle remplace celle dépossédée, joue même. Car, vous savez, il en est des révolutionnaires, comme des hommes de gouvernement. L'homme d'extrême gauche qui voit s'y faire, s'il arrive au pouvoir, il dit, ah, mais c'est pas la même chose. Et vous avez, dans votre vie, toujours fait le procès de l'héroïsme. Vous n'y croyez pas? Non. Oh, ça va même plus loin. Ça va jusqu'où? J'ai la stupidité. Et l'on a dit, Paul Léotot, à force d'avoir pris parti contre l'héroïsme, sans se soucier des inimitiés et des attaques que cela lui valait, à force d'avoir été contre les héros, on le prend lui-même pour un héros. Et l'on a ajouté, ce sera son châtiment. C'était « Entretien avec Paul Léotot », propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Ces entretiens Paul Léotot, Robert Mallet, réalisés par Georges Godbert, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne nationale en juin 1951. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, suite et fin, eh oui, de ces entretiens.